did you say, my life? Last night, I did you say, my life? Non, j'ai mal. Salut! C'est moi, Home de Mix. Last night you did you save my life. Last night you did you save my life. Je connais pas la tonalité, ça. T'es français? Comment on fait ça? C'est le rythme pour faire tout ça. Thank you. Hey, hey, hey. Mira, se fijó. J'ai des problèmes. Quand j'ouvre une page, là ça me le fait plus, mais ça me. Ça décrit. Alors j'ai baissé la latence. François. T'aimes ça? Ah, t'aimes la Claude François. glory someday. Oh. Encore. Thank you. I love you.